Un espoir noir sur ta peau qui nous détruit de jour en jour. Comme on peut crier pour de faux, aussi faux que tous vos discours. Quand on voudrait lever le poing, montrer du doigt, revoir les normes. Ils nous dénigrent pour leurs besoins, renforcent la peur de l'uniforme. À trop vouloir crier au loup, le petit peuple se meurt d'un rien. À s'en faire briser les genoux par une élite qui se veut bien. Mais si on reste un peu plus con, à regarder le bout de son nez, qu'on s'étonne pas aux élections de voir Marine à l'Élysée. La peur au ventre et l'œil hagard bloqué sur vos programmes télé. À laisser la chance au hasard et votre haine aux immigrés. Répression, vous n'avez que ce mot et le dialogue est inutile. Mais si vous brisez nos idéaux avec des discours si futiles, comment savoir si je me trompe dans mon espoir? Comment savoir si mon avenir sera si noir? À cracher l'amour sur les murs, à ne penser que pour soi-même, vous finirez bien un beau jour par oublier la vie qu'on mène. Même si le voisin ne compte pas, que l'on s'essouffle en bout de vie. Mais putain, ne croyez-vous pas que la couleur est un paradis? Quand on n'a rien d'autre à penser qu'à la suite de ces événements, que tu pourrais bien basculer vers une vie redevenue blanche. À critiquer l'arabe du coin, fermer sa porte à tous les noirs. Mais toi le peuple, tu ne vois rien, Jean-Marie fait bien son devoir. Quand dans l'urne tu n'auras plus le choix que de recommencer ou faire pire. Ils seront bien assez, je crois, pour te montrer ton bel avenir. T'as pas fini de prendre des coups, t'as pas fini de voir la mort de si près qu'elle aurait le goût de la vie qui disparaît. Alors, comment savoir si je me trompe dans mon espoir? Comment savoir si mon avenir sera si noir? Ce n'est peut-être que des mots que je confie en quelques lignes. Mais moi je traite comme mes égaux ceux qu'ils ne voudraient plus voir vivre. Et toi jeunesse, tu deviens morte quand tu applaudis sans savoir. Et moi j'appelle à la révolte pour que l'avenir rime avec noir.